psychiquement ne pourra plus croire, ça voudrait dire que ce jour-là, l'homme sera dans son savoir. Et c'est cette science-là qu'il parlera, qu'il criera, whatever. C'est cette énergie-là qu'il utilisera, qui libérera le monde astral. Donc, pour, c'est très important dans le monde aujourd'hui ce qui se passe pour les âmes. Parce que finalement, les âmes commencent un petit peu à avoir de l'espoir. Parce qu'ils commencent à voir la lumière au bout du tunnel. Mais la lumière au bout du tunnel, ce n'est pas leur lumière, c'est la lumière de l'âme. Est-ce que vous voulez dire que les transformations qui se vivent présentement en Allemagne, en Russie, ou tous les mouvements comme ça là, qui s'éveillent là, au niveau d'une prise de position face au pouvoir, ça a une influence sur le monde des morts? Oui. Oui, parce que c'est totalement, ça va totalement à l'encontre. Donc, c'est bon. Que ce soit une grande conscience ou une petite conscience, tout ce qui est conscience, tout ce qui est la moindre forme d'individualisation, tout ce qui est la moindre... tout ce qui est la moindre conséquence d'une forme d'amour quelconque, tout ce qui rapproche l'homme de lui-même, tout ce qui est empreint de liberté, que ce soit très dissous, que ce soit très intégral, tout ça agit dans le monde astral. Ça veut donc dire que pour un individu qui est conscient, il n'y a pas à se préoccuper de l'apocalypse, il y a à se préoccuper de son apocalypse. Pour l'individu qui est conscient, il ne peut s'occuper que de son apocalypse. Si l'homme commence à se préoccuper de l'apocalypse, à ce moment-là, il va astraliser sa conscience, il va développer des inquiétudes, il va développer des formes, puis il va perdre contact avec sa réalité de tous les jours. Puis là, il va partir en ballon, puis il va s'ésotériser, puis il va spiritualiser, puis il va vivre de l'inquiétude, qui ultimement va lui faire plus de dommages que d'autres choses, parce que si l'homme est dans son énergie, qu'est un apocalypse, ça ne change rien dans sa vie. Oui, parce qu'il est protégé par sa propre lumière. Mais si l'homme n'est pas suffisamment conscient de ça, et s'occupe trop, à cause de sa curiosité, de l'apocalypse collectif, à ce moment-là, il va perdre contact avec sa propre apocalypse. Donc, il va perdre contact avec sa propre initiation. Il va perdre contact avec sa propre transformation. Il va perdre contact avec sa propre substance. Et c'est sa substance à lui qui, demain, sera déterminante dans un mouvement ou dans un temps apocalyptique. OK. Maintenant, vous avez dit... J'essaye là, de resynthétiser. Vous avez dit que les forces du mal avaient comme à être réintégrées pour éventuellement donner une explosion, permettre une explosion des forces du bien, quand vous avez expliqué l'apocalypse. Là. Est-ce que ça voudrait dire que dans une initiation, un individu est obligé de passer par tout le mal qu'il peut vivre pour éventuellement être capable d'exploser tout le bien qu'il peut faire? Une civilisation où un individu doit revivre ou vivre tout le mal qu'il peut en tant qu'énergie ou expérience pour en arriver à exploser dans l'autre direction. Autrement dit, dans un apocalypse universel, les humanités vivront un grand mal pour finalement prendre conscience de leurs erreurs puis arrêter une fois pour toutes le connerie. Et sur le plan individuel, l'homme doit vivre aussi son grand mal, c'est-à-dire son ignorance, son astralisation, pour en arriver finalement à sortir de ses conneries. Fait que dans les deux cas, c'est un cas de connerie. Donc, vous êtes en train de dire, si j'ai bien compris, que dans une initiation solaire, un être humain est obligé, dans un sens, de passer par tout ce qu'il peut avoir dans le mental de mal, de ce qu'il interprète comme étant du mal. Bon, quand je dis mal, je dis ce qui n'est pas intelligent. De mal, pour moi, c'est ce qui n'est pas intelligent. L'ignorance, elle a des conséquences. Ouais, j'utilise pas le mot mal dans le sens moral du terme. Bon. Là. Ce qui est mal, c'est ce qui n'est pas intelligent. Bon, on peut prendre le mot ignorance? OK. Pour le ignorance, oui. Bon, okay. Ça, c'est mieux. Bon, puis on passe le bien dans le terme lumière? Pas nécessairement. Non? Bon, en tout cas, est-ce que... Au mal est opposé le bien. Autrement dit, il y a beaucoup de bien sur la Terre qui a créé du mal. Oui, OK, c'est correct. Autrement dit... Donc, on ne prendra pas ces mots-là. Si tu es une mère, puis tu aimes ton petit gars, puis tu l'aimes, puis tu l'aimes tellement, tu n'es pas capable de lui donner de liberté, ouais. À ce moment-là, le bien devient mal. Ouais, fait que pour moi, le mal et le bien sont la polarisation d'une énergie qui n'est plus intelligente. Donc, okay. C'est une forme d'ignorance. Donc, pour moi, il y a beaucoup d'ignorance dans le bien qui se vit sur la terre, puis il y a beaucoup d'ignorance dans le mal qui se vit sur la terre. Okay. Donc, c'est les concepts moraux. Il y en a un qui descend par là, puis il y en a un qui monte par là, mais c'est la même chose, c'est l'opposition. Okay. Par contre, au-delà de cette ignorance-là, de cette polarité-là, il y a de l'intelligence universelle, créatrice, ainsi de suite. OK. Donc, si j'utilise le mot ignorance, on résume les deux aspects. Oui. Est-ce que la question que je veux savoir, là, c'est dans une initiation, est-ce qu'on doit vivre la conséquence absolue de notre ignorance avant de passer à une intelligence dite lumineuse ou... Dans une initiation solaire, dépendant de votre statut hiérarchique, les hommes n'ont pas tous le même statut universel. Donc, selon le statut universel, l'homme, dans une initiation solaire, sera amené à transmuter certains aspects de son ignorance. Si l'homme doit être amené à transmuter tous les aspects de son ignorance, possible, imaginable, il va être fusionné instantanément, puis il va être obligé au cours des années de... À travers cette fusion-là, d'en arriver à s'équilibrer avec les forces. Ça, ce sont les initiés. Mmh. Les initiés sont fusionnés pardon, instantanément, puis c'est avec les années qu'ils en arrivent à aller équilibrer cette énergie-là dans leur corps subtil. L'homme, lui, va en arriver, va grandir vers une fusion, il va arriver à un certain niveau de conscience selon son statut hiérarchique universel. Et il vivra cette transmutation subtile de ses corps. Autrement dit, il sera obligé d'épurer son ignorance jusqu'à un certain point. Si les forces mentales, si les forces hiérarchiques veulent absolument éteindre dans la conscience humaine la moindre ignorance, ils vont être obligés de fusionner avec lui instantanément, directement, ne pas y laisser aucun espace, prendre le contrôle intégral de son âme, de sa personnalité, et au cours de certaines années, en arriver à l'amener à un équilibre avec eux. Mais ça, c'est pas tout le monde qui peut vivre ça ou qui vivra ça. Mm-hmm. Mais l'homme, en général, va en arriver à vivre certaines étapes de cette conscientisation pour se libérer d'un certain niveau d'ignorance. Vous abordez un aspect intéressant. C'est que de l'initiation, on peut pas dire qu'on peut la passer dans une seule vie. Là. De la façon que vous parlez, il est pas permis à tout le monde... même dans une programmation à sa naissance, d'en arriver à l'ultime conscience, d'éliminer finalement toute ignorance dans une seule vie. C'est ce que j'en déduis là, de la façon que vous parlez, parce que arriver à l'état de fusion dont vous parlez... Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas nécessaire que les hommes sur la Terre éliminent complètement l'ignorance dans une vie. Il y a des hommes sur la Terre qui sont marqués pour ça. Ce que j'appelle des initiés. Eux autres sont marqués. Il faut que ça soit brûlé ça, à l'intérieur d'un certain nombre d'années, point final. Mais ces êtres-là, éventuellement, vont être en contact avec l'homme. Et leur contact avec l'homme va faire en sorte que ces hommes-là puissent passer à la conscience éthérique. Ce qui est important, c'est que les hommes passent à la conscience éthérique, mais ils ne peuvent pas passer à la conscience éthérique s'ils n'ont pas vécu une certaine transmutation de leur corps astral. Donc, s'ils n'ont pas vécu une certaine initiation solaire. Autrement dit, ce n'est pas nécessaire que tous les hommes sur la Terre aient une conscience intégrale. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas possible, anyway, que tous les hommes sur la Terre soient des initiés dans le sens, dans le terme cosmique du terme. Mais c'est nécessaire que tous les hommes sur la Terre qui passeront à la conscience éthérique soient testés dans leur ignorance au cours de leur expérience. Là, vous dites qu'on peut avoir une conscience éthérique et encore vivre une ignorance quelconque. Oui. Oui. Mais parce que c'est pas ceux qui vont amener l'homme à la conscience éthérique sont des initiés. Mm-hmm. Ceux qui vont communiquer par télépathie avec l'homme qui aura atteint un certain niveau d'évolution sont les initiés. Une fois qu'eux autres sont prêts et qu'ils attendent leur temps sur la Terre, l'homme, pendant ce temps-là, il évolue. Puis à un certain moment donné, l'homme est arrivé à un certain niveau vibratoire où il peut finalement entrer en communication télépathique avec ces hommes-là qui déjà ont accès à la conscience éthérique. Donc, le passage va se faire. Mais il faut que ces hommes-là soient déjà conscientisés, c'est-à-dire qu'ils aient vécu une transmutation de leur corps subtil qui résulte de l'actualisation de l'initiation solaire dans leur conscience personnelle. Mais ces initiés-là, vous les mettez au pluriel. Est-ce que c'est vraiment au pluriel ou s'il y en a simplement un? Ah, ben, les initiés... On parle dans notre faut que je les mette au pluriel. Faut que vous les mettiez au pluriel. Faut que je les mette au pluriel. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a juste un. Ça laisse sous-entendre que c'est pas de vos affaires. Ah, bon. Autrement dit, vous pourrez jamais avoir la parole d'une roche. Donc, c'est mieux de sous-entendre qu'ils sont au pluriel. C'est mieux pour l'esprit de l'homme qu'il soit au pluriel. C'est mieux pour l'ego de l'homme qu'il soit au pluriel. C'est mieux pour la conscience de l'homme qu'il soit au pluriel. C'est mieux pour l'homme qu'il soit au pluriel. Je vais essayer de faire une curve. Comment qu'on peut reconnaître un initié? Parce qu'au cas, il y en avait plusieurs dans la salle. Hein? Vous ne pouvez pas reconnaître un initié. Vous pouvez avoir l'impression de reconnaître un initié. Mais un initié, ça se révèle à ceux qui veulent. C'est l'initié. Autrement dit, c'est l'initié qui vient à l'homme, c'est pas l'homme qui vient à l'initié. Pourtant, on a toujours eu l'impression que c'était le contraire. Que l'initié attendait, c'est... C'est toujours l'initié qui vient à l'homme. L'initié, dans son temps, se manifeste. Dans son temps, l'initié se manifestera. Les hommes dans le monde qui seront prêts seront automatiquement en contact avec l'initié. Mais tant que ce temps-là ne sera pas vu, sera pas venu, il n'y a aucun homme qui peut spéculer sur la nature de l'initié, la personne de l'initié, le personnage de l'initié, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'initié, c'est un être qui est totalement occulte. Anonyme aussi. Anonyme. Même si les hommes faisaient de l'overtime, puis les hommes disaient « Ah, c'est lui! » L'initié peut se manifester de façon qui ferait en sorte qu'il ne serait même pas reconnaissable dans la condition humaine actuelle. Donc, l'initié ne fait pas partie de la race humaine. Ses pouvoirs sont intégrales, ses pouvoirs sont absolus. L'initié ne fait pas partie de notre temps. L'homme fait partie de notre temps. Mais l'initié ne fait pas partie de notre temps. Alors, quand l'initié viendra à l'homme, l'homme sera prêt. Parce qu'il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se présentent comme des formes de maîtres, gourous ou initiés. Puis ils ont la parole assez particulière, en tout cas pour Miss Mérisine Masse. Et puis ils ne sont pas très anonymes, en tout cas. Ils passent à la télévision à gros prix. Ouais. Mais ça fait partie de l'expérience de l'homme. Ça fait partie de l'expérience de l'homme. L'homme conscient, d'ailleurs, les gens qui sont conscients, les gens qui seront dans leur identité, verront à travers les illusions possibles de ces caractères initiés-là. Un homme conscient, c'est totalement sur soi. Il est totalement centrique sur lui-même. Il n'est pas égocentrique, il est dans son intelligence. Donc, les hommes qui auront vécu une initiation solaire seront dans leur intelligence. Puis à ce moment-là, ça deviendra facile de voir, de reconnaître, d'être en contact avec ce qu'on appelle l'initié. D'être en contact avec l'initié, ça a quoi comme conséquence? Ce que ça a comme conséquence, c'est la... L'initiation? Non. L'initiation, c'est simplement un déclenchement. Un homme qui est en contact avec un initié va automatiquement vivre une initiation pour la simple raison que l'initié a un taux vibratoire tel que la conscience humaine par rapport à la sienne est mise en mouvement. Donc, tu ne peux pas être avec un initié et pas vivre une transmutation à un niveau ou à un autre. Mais la conséquence de l'homme par rapport à l'initié, c'est l'ouverture psychique de ses sens pour permettre finalement à l'homme d'entrer dans les vaisseaux séraphiques qui vont, dans un temps donné, venir sur la Terre vers l'homme pour amener un certain nombre d'individus à évoluer dans d'autres temps, dans d'autres conditions et pour d'autres raisons d'évolution. Donc, c'est évident que le but final de l'initiation solaire, c'est la récupération de certains individus sur la Terre. La récupération, elle ne peut pas se faire au niveau cosmique par le biais des transports. Quand je parle des transports séraphiques, je ne parle pas des secoupes volantes. Non. Ça laisse Ou je parle des secoupes volantes, mais pas dans le même temps. Il y a des soucoupes volantes qui font partie d'un temps, puis il y a des soucoupes volantes qui font partie d'un autre temps. Un transport, c'est un transport. Une machine de déplacement, c'est une machine de déplacement. Mais à quel temps appartient le transport? Au temps des Romains, ils n'avaient des transports. C'était des bœufs avec des charrettes. Au 20e siècle, on a des transports, on a des automobiles, on a des avions. Dans d'autres temps parallèles, il y a des transports. Mais les transports varient en substance selon le temps auquel ils appartiennent. Et c'est pour ça que c'est très important pour l'être humain demain d'avoir accès à sa conscience éthérique pour pouvoir identifier la nature des transports. Parce qu'un homme qui rentre dans un transport... Séraphique. Un homme qui rentre dans un transport qui ne fait pas partie de son temps, il se retrouve dans une situation expérientielle réellement terrible. Mais c'est pas possible. Les extraterrestres qui viennent sur la Terre aujourd'hui puis qui séduisent des individus, qui prennent des individus, qui rendent des individus à leur vaisseau, physiquement ou simplement à travers leur corps astral, créent des changements énormes dans ces gens-là. Ça déboussole leur vie, ainsi de suite. Et ces êtres-là, ces intelligences-là qui viennent d'un temps, ne font pas nécessairement partie de ceux qui vont venir demain, qui font partie d'un autre temps. Et pour que l'homme sache à quel temps appartiennent les êtres qui viennent dans des transports, il faut que l'homme soit conscient. S'il n'est pas dans son identité, à ce moment-là, il est dans une situation qui peut être très, très dangereuse, autant au niveau personnel qu'au niveau de l'expérience de l'âme, qu'au niveau éventuel des conséquences de son expérience dans ces vaisseaux-là, au niveau du changement génétique de ces cellules, ainsi de suite. Ça va loin là-bas. Mm-hmm. Donc, l'homme demain, tu sais, quand on dit à nos enfants, ben, si le monsieur y arrête, ne rentre pas dedans. Tu sais, les mères, ils disent à leurs enfants, si le monsieur, il dit, tu viens-tu dans ma machine? Tu dis non, tu t'en vas. Mais si demain ou quand des transports viennent d'autres planètes, puis que ça se parque devant chez vous ou d'un champ, puis que tu es là avec tes épis de blé d'Inde, laisse-moi te dire, tu es mieux d'être bien conscient pour pas être attiré dans leur machine. Mm-hmm. Comprends-tu? Parce que c'est vibratoire, ça. Fait que si l'homme n'est pas conscient, il va être amené dans ces machines-là. Puis ça fait partie de son expérience, ça fait partie de l'expérience de la Terre. Ça fait partie encore des anciennes récoltes que les Atlantes ont connues. Ça fait partie de la disparition des races. Ça fait partie de la destruction des races dans un temps record, comme il est arrivé avec les Mayas, par exemple, ainsi de suite. Donc, l'homme doit se protéger contre les visiteurs qui viennent de l'espace. Et pour ça, il faut qu'il soit conscient. C'est-à-dire, il faut qu'il ait suffisamment de conscience, d'intelligence pour être en contact avec sa source. Fait que s'il est en contact avec sa source, puis il y a des vaisseaux qui viennent dans un environnement quelconque, à ce moment-là, c'est facile, tu vas en dedans, puis ils te le disent, tu t'en vas. Puis d'ailleurs, rien que son taux vibratoire va faire en sorte qu'il ne sera pas approchable par ces êtres-là. C'est Mais ça. Il existe un grand danger aujourd'hui dans le monde que les hommes vivent des expériences négatives par rapport à des races très avancées au niveau de science, mais très, très peu avancées au niveau de conscience. Fait qu'eux autres, ils se crissent de nous autres, comme dans la 40. Tout ce qui compte pour eux autres, c'est des prélèvements chez l'être humain pour leurs propres expériences personnelles et pour le développement éventuel de leur own progéniture, le perfectionnement de leur corps matériel qui sont extrêmement primitifs et pas regardables et nous. Mais l'homme doit être très, très conscient de ceci. Et pour que l'homme se protège contre des races qui viennent d'extérieur, il faut qu'il soit intelligent. Et pour être intelligent, comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas croire. Puis l'homme n'a pas d'idée que ça veut dire pas croire. Parce que l'homme pense que croire ou pas croire, c'est une attitude plus ou moins positive, alors que croire ou pas croire, c'est un réflexe psychologique de l'ego. L'ego n'est pas capable de croire, de s'abstenir de croire et de s'abstenir de ne pas croire. Tu sais. Mm-hmm. On dirait qu'il y a une polarité. Tu dis, coach, ouais, t'es intéressant, crois ça. Ouais. Ou il refuse. Soit qu'il croit ou il ne croit pas. Et l'homme doit aller au-delà de la polarité de ce mécanisme-là et pas être capable de croire. Mais être totalement neutre. Totalement neutre. Dans une position, pas être capable de croire, il faut avoir un taux mental, une conscience mentale suffisamment développée. Autrement dit, il faut avoir assez de contact avec sa source, qui, elle, devient ensuite ton enveloppe protectrice contre les différentes formes de croyances qui peuvent venir dans ton expérience. Ça, ça fait partie de l'initiation solaire. Et l'homme qui sera rendu à un stage où il n'aura plus à croire, il n'aura plus besoin de croire, où il saura, lui sera suffisamment protégé contre lui-même, astralement, et là, à ce moment-là, le contact avec des vaisseaux qui viennent d'un temps ou d'un autre, il pourra les identifier. Donc, l'initiation, je comprends bien, ça n'amène pas un individu à être habile, fondamentalement. Il développera pas une habilité dans le sens de gérer sa vie ou d'organiser sa vie matérielle comme telle. L'initiation, ça t'amène à être pas mal smart. Oui, mais c'est pas un thème d'habilité. C'est une habilité. L'initiation t'amène à un déblocage d'énergie qui est suffisamment avancé pour te rendre finalement créativement intelligent. Si t'es créativement intelligent, tu deviens habile. Mais c'est une conséquence, c'est pas... Tu sais, quand tes toilettes bouchées chez vous, ta toilette va bien habile. Mais quand elle débloque la toilette, elle devient habile. Hein? Puis si elle débloque pas ta toilette, c'est toi qui deviens débile. Tu sais, fait que l'homme qui est conscient devient très habile parce qu'il perd de cette débilité. Ça passe l'énergie, ça se canalise, il devient créatif. Mais ce qui arrive, c'est qu'il peut l'utiliser autant sur le plan occulte ou intérieurement qu'il peut l'utiliser dans le monde. Fait qu'effectivement, la conscience ou l'initiation solaire qui amènera l'homme à une certaine conscience, l'amènera à une certaine habileté dans la vie, dans ce sens que les mécanismes subjectifs de l'ego qui auparavant avait limité sa conscience pour des raisons de crainte, des raisons d'émotion, des raisons de penser réellement inconsistantes avec sa réalité expérientielle, ça, ça saute. Fait qu'à ce moment-là, l'homme devient créatif, il devient habile. Oui, habile. Ouais. T'es-tu plus habile? T'es-tu plus habile aujourd'hui que tu l'étais il y a 15 ans? Il y a 10 ans? Je suis obligé de dire... Par rapport à ta conscience, je suis obligé de dire que je suis plus lucide. Mais plus habile, je laisse ça. OK, aux je le développe. OK. Ouais. OK. Il n'y a pas de différence quand tu es conscient entre être. Lucide. Entre être lucide puis habile. La seule différence, c'est une affaire de degré. Si tu deviens très, très lucide, tu peux devenir très, très habile. Mais ton habileté est en fonction du pouvoir de ta lucidité. Toi, tu es lucide mentalement, mais tu n'es pas nécessairement lucide au niveau du pouvoir de ton énergie. Ouais. Autrement dit, toi, si tu étais dans la merde demain matin, tu pourrais rester là pour un bout de temps. Éventuellement, tu t'en sortirais là, parce que tu es assez lucide. Mm-hmm. Tandis que moi, si j'étais dans la merde demain matin, demain après-midi, j'en sortirais dessus. Fait que je suis plus habile parce que je suis plus lucide. Fait que plus tu deviens lucide, plus tu sors de ta merde, donc plus tu es habile. Autrement dit, être habile, c'est sortir de sa merde. Comprends-tu? Oui. La vue cet angle-là, c'est impeccable. Ça veut dire que bien du monde ici ne sont pas tout à fait lucides à leur goût. Mais c'est le souffrant. Il y a bien des gens qui vont dire, bon, mais je comprends les affaires, mais je peux pas les affaires. Ouais. Je comprends, mais je peux pas. On a l'information, mais on n'a pas... On a l'information, mais on n'a pas le drive. On n'a pas la transmission. Comment ça se fait que je sais les affaires et je ne peux pas les affaires? Puis ça, c'est parce que leurs corps sont en voie d'évolution, de transmutation, ne sont pas encore dans leur puissance. Puis pourquoi ils ne sont pas dans leur puissance? Parce que le côté astral, leur conscience n'a pas été suffisamment transmuté. Donc, ils sont pris d'un côté, ils sont pris dans des cases pilaires. Le potentiel, puis l'impuissance. Ouais. C'est ça qui crée la souffrance, mais c'est ça qui sert à la transmutation des corps. Puis un jour, ils pètent. Un jour, ils pètent du feu. Un jour, ils deviennent des volcans. Puis un jour, ils deviennent habiles. Puis dans ce processus-là, bien, c'est parce qu'ils sont devenus un petit peu plus lucides. Autrement dit, le degré de l'intelligence de l'homme, c'est la proportion du temps qu'il utilise à rester dans la merde. OK. Si tu dis, qu'est-ce que c'est être intelligent, même cosmiquement, qu'est-ce que c'est être intelligent? Plus tu es intelligent, plus le temps que tu vas rester dans ta merde est court. Non. Plus le temps que tu restes dans ta merde est long, moins tu es intelligent, donc moins tu es lucide, donc moins tu es habile. OK. Ça, c'est très intéressant. L'autre question qui vient avec. Là, on parle de temps. Je sais qu'il y a bien du monde que le temps, c'est fatigant. Est-ce que tu as les problèmes en proportion de ta lucidité? Ah, ça, c'est intéressant. Tu as les problèmes en fonction de ton impuissance. Vous dites en fonction, mais moi, j'ai demandé en proportion. Non, mais je ne peux pas te répondre à une question qui n'est pas parfaite. Oh. Quelqu'un qui veut le micro? Fait que t'as des problèmes en fonction de ton impuissance. T'as pas des problèmes en fonction de ta lucidité. Tu as des problèmes en fonction de ton impuissance. Ton impuissance est responsable et est responsable et elle est proportionnelle à ton manque de lucidité. Donc, une personne qui a des gros problèmes, c'est une illusion. Une personne qui a des gros problèmes, c'est une illusion dans le sens que les problèmes n'existent pas, mais c'est réel dans le sens qu'elle est impuissante. Donc, elle est obligée de vivre ses problèmes en fonction de son impuissance. Donc, elle n'est pas lucide. Si elle était lucide, elle n'aurait pas ces problèmes-là. Est-ce que matériellement, un gros problème de 10 millions puis un problème de payer son loyer, c'est la même chose, dans, vu des plans? C'est la même affaire. C'est la même affaire. Ouais. Fait que ça sert à rien de mener des petites vies, tout si bien tout, tout en grand. Tout ça. C'est ça que j'essaie de dire à ma femme. Ouais, ça, c'est comme l'histoire des automobiles. Tu sais, le gars va dire, bon, ben, tu conduis une petite Volkswagen, tu fais 75 000 au galon, mais tu as une petite Volkswagen, puis tu peux conduire une Mercedes. Ça coûte plus cher de gaz. Mais si tu t'enlignes sur une Mercedes, tu vas travailler plus, tu vas mettre plus d'énergie. Tandis que si tu t'enlignes sur une petite Volkswagen, tu vas prendre ça aisé. Mm-hmm. Fait que c'est une illusion. Mais vous dites que ça ne fait pas de différence. C'est plein, vous dites que ça ne fait pas de différence. Ben, c'est ça, je te dis. Comme tu dis, tout aussi bien de vivre au bout que de vivre au bout du bout. Ouais. En bas du bout. Fait que si tu, en bas du bout. Fait que si tu vis au bout, tu as l'énergie pour vivre au bout. Ouais. Mais si tu as des craintes de vivre au bout, parce que le Volkswagen, ça coûte moins cher, puis le Mercedes, ça coûte plus cher, mais à ce moment-là, ben, tu n'auras jamais le confort de la Mercedes. Tu n'auras jamais la puissance de la Mercedes. Puis... tu ne pourras jamais goûter de la vie. Fait que tu vas toujours être dans des petites situations, le petit pain. Mm-hmm. C'est même que ça marche, la vie. Fait que la vie, c'est toujours en fonction de ce que tu es capable de ne pas avoir peur d'aller chercher. Fait que si tu n'es pas peur d'aller chercher gros de même, mais tu vas aller le chercher. Si tu as peur d'aller chercher gros de même, mais tu vas rester avec petit comme ça. Autrement dit, c'est une affaire de puissance. On va vous poser une question, mais celle-là est salée un peu. Mais je la pose pareil. Comment ça se fait que les gens qui se promènent en Mercedes ou en Rolls Royce ou en n'importe quoi ont besoin du petit monde pour se promener en Mercedes? Ils ont besoin de quoi? Ben, disons qu'ils sont lucides, ils ont un certain talent. Mais comment ça se fait, là, disons, peu importe le poste politique ou la dynamique financière dans laquelle ils sont, comment ça se fait que ces gens-là ont toujours besoin du petit monde qui vivent en Volkswagen pour pouvoir continuer à se promener en Mercedes? Je ne comprends pas la question. C'est-à-dire que moi, je la comprends très bien. Comment ça se fait qu'un politicien ou un individu qui a un poste qui lui permet de se promener en Rolls-Royce, ouais, qui se promène avec des bateaux, là, comme la fille Monaco, là, qui son gars est mort, là, qui se promène avec des bateaux là, qui valent des millions de dollars, ouais, comment ça se fait que ce monde-là a besoin du petit monde, c'est-à-dire le monde qui se promène en golf, en petit auto pour continuer eux autres à se promener en grosse auto. C'est-tu parce qu'ils sont plus lucides ou c'est simplement parce qu'ils ont... Quand tu dis que ces gens-là ont besoin du petit monde, ce que tu veux dire, c'est que la condition sociale aujourd'hui dans le monde fait en sorte que les gens qui se promènent, comme tu dis, en Mercedes, ont besoin du petit monde seulement dans le sens qu'ils apparaissent comme étant liés au petit monde pour pouvoir bénéficier de leur statut. Mais si tu changeais complètement la relativité sociale ou socio-économique, tu verrais que, supposons par exemple qu'au Canada, là, tout le monde pouvait se promener en Mercedes, il y aurait encore du monde, encore plus lucide, pour se développer une autre sorte d'automobile qui flottera au-dessus du sol. Tu ne peux pas éliminer dans une civilisation... l'idée là, du communisme, là, l'idée que tout le monde se promène en Mercedes, tout le monde porte les mêmes chaussettes, là, ça, c'est des illusions que finalement les républiques socialistes se sont aperçues comme étant absolument inviables. Il y a des êtres sur la Terre qui sont propulsés par des forces qui vont les amener à dominer une situation, à individualiser leur rendement social, puis il y a des êtres dans la société qui vont vivre par rapport à d'autres êtres en fonction d'une diminution de leur puissance. Donc, ce que tu dis, c'est purement relationnel. Mm-hmm. Pour que ça soit réel, ce que tu dis, autrement dit, pour que des êtres puissent réellement se promener en Mercedes, là, que tout le monde soit en Mercedes, si tout le monde pouvait se promener en Mercedes. À ce moment-là, la puissance créatrice de la civilisation serait tellement grande qu'on se promènerait tout en soucoupe volante, puis on aurait des civilisations réellement communistiques, là, comme tu retrouves sur d'autres planètes. Et à ce moment-là, le pouvoir ne serait plus à la mesure d'une forme banale, mais le pouvoir serait à la mesure d'un cerveau là, qui réellement a la capacité de déchiffrer les grandes énigmes évolutives de la race. Fait que ta question est purement politique, psychologique et mesurable, est intéressante, mais dans le fond est banale, parce que elle ne permet pas d'éliminer le fait qu'il y a des êtres dans le monde qui ont plus de puissance créatrice que d'autres. Mm-hmm. T'as des gérants d'entreprise, t'as des hommes qui ont fait des choses, qui ont pété, qui ont marqué la civilisation, puis il y a des hommes qui l'ont pas. C'est une affaire d'évolution d'âme. Mm-hmm. Autrement dit, pour répondre à ta question smart que tu viens de me poser, là, je te répondrais que il y a des âmes qui sont hiérarchisées, il y a des âmes qui sont plus évoluées que d'autres, puis il y a des gens dans la contrepartie matérielle de l'expérience qui ont besoin des chars plus grands que les autres. Mm-hmm. Autrement dit, il y a des âmes sensibles qui ont besoin des Mercedes, puis il y a des âmes moins sensibles qui peuvent dealer avec des petits Volkswagen. C'est une affaire d'évolution. C'est okay. Comme il y a des âmes qui ont besoin de connaître les mystères, puis il y a des âmes qui ont besoin de simplement connaître ce que le journal de Montréal dit. C'est une affaire d'âme. C'est pas une affaire d'économie. C'est dans le programme. Bullshit. Merci, Bernard Lemoyne.